LERAC. On vient régler les comptes. Ouais. Défoncer les cons. Si, si. Pour tous les enculés concernés et bientôt consternés, hein, écoute. Alors comme ça, mes faces t'as pompé. Repars faire des pompes et joue pas les pompiers. C'est moi qui mets le feu, qui t'éteins. Accroche-toi bien à ta putain. Car après ce clash, tu rattaches tes découilles. L'embrouille, tu la déclenches. Bafouille les règles des clashs. Si t'as pas d'inspi, repars d'ici de spi. Les faux MC comme moi, je les mange, je les range. Au fin fond de mon placard, t'es tricard. Car les vrais savent que tu n'as rien de brave. Le rap pour toi reste doux rêve. Ici c'est mon domaine, t'as joué le traître. Donc je coupe la trêve, mec. Tu viens pira chez moi, sors le mic chez toi en fait. Tu prends mes verres, l'air sort, mais en beaucoup moins clair. C'est clair que je te mets misère, t'es à l'amende. Ta voix est trop lente et je te baise à coups de rime violente. Pour le refrain, je te dirais que tu m'aurais un coup de bien fort. Car si tu dors, ben t'es mort, à la fin du son mort pour toi c'est la morgue. Lève tes bras en l'air, c'est LR, papa. Pour le refrain, je te dirais que tu m'aurais un coup de bien fort. Car si tu dors, ben t'es mort, à la fin du son mort pour toi c'est la morgue. Lève tes bras en l'air, c'est LR, papa. Ok, c'est reparti, personne derrière les platines. Tu t'es repenti, t'es sans réparti. Sans parti, mais qui peut te défendre? Car t'es en sans le rack omniprésent. Sur un beat plutôt plaisant, ces rimes n'ont rien de méchant. J'y règle mes comptes quant aux autres. Au gros fils de ma ville, qui jacques et parle. C'est Dick, un gros impact dans leur face. Les critiques, je les encaisse et les efface. Dédicace aux classiques, appel anonyme. Des gars qui derrière leur s'enfilent, pensent qu'ils m'abîment. J'y règle mes comptes à coups de rime. Bien affûté, plutôt flûté, allez flûté, je le lâche, niquez vos mères. J'aime pas être vulgaire, mais faut y faire. Quand mes vers prolifèrent et contente par derrière, de m'enculer à sec ou à 5. Pour le refrain, je te dirais que tu m'aurais un coup de bien fort. Car si tu dors, ben t'es mort, à la fin du son mort pour toi c'est la morgue. Lève tes bras en l'air, c'est LR, papa. Pour le refrain, je te dirais que tu m'aurais un coup de bien fort. Car si tu dors, ben t'es mort, à la fin du son mort pour toi c'est la morgue. Lève tes bras en l'air, c'est LR, papa. Pour m'expliquer, pour m'adresser à ceux qui parlent beaucoup, mais qui apparemment n'ont pas de couilles, qui sans arrêt cherchent l'embrouille pour rien. Et c'est bien ça le problème, trop de haine à balancer, car trop lassé, j'en ai assez. Grandissez, je suis loin d'être invincible. Je m'exprime et vous prends tous pour cible. Tu te sens visé, tu sais où me trouver. Viens me parler de près, pas de violence, je prends la tolérance. Mais la prochaine fois y aura des dossiers. Ma ville est petite et sur vous tous j'en ai. Pour finir, je vous informe que je pète la forme hors norme. Je reste solo et sodo, les conos parlant dans mon dos. LR, MC Vénère, pas là pour te plaire. Pour le refrain, je te dirais que tu m'aurais un coup de bien fort. Car si tu dors, ben t'es mort, à la fin du son mort pour toi c'est la morgue. Lève tes bras en l'air, c'est LR, papa. Pour le refrain, je te dirais que tu m'aurais un coup de bien fort. Car si tu dors, ben t'es mort, à la fin du son mort pour toi c'est la morgue. Lève tes bras en l'air, c'est LR, papa. Pour le refrain, je te dirais que tu m'aurais un coup de bien fort. Car si tu dors, ben t'es mort, à la fin du son mort pour toi c'est la morgue. Lève tes bras en l'air, c'est LR, papa. Pour le refrain, je te dirais que tu m'aurais un coup de bien fort. Car si tu dors, ben t'es mort, à la fin du son mort pour toi c'est la morgue. Lève tes bras en l'air, c'est LR, papa. C'est pour tous les enculés concernés, désormais consternés. Retiens Blas. C'est LR, LR, LR. Ah.